you. Eh oui, bon, bonsoir à tous. Donc, c'est les bêtes de Gérard. Donc, il nous manque une fille au standard, s'il vous plaît. Si on peut avoir une fille pour participer au débat, ça serait sympa. Merci à vous. Donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000. Et 0870-5000 est toujours le 3615 Code Fun Radio, rubrique directe. Et pour les Belges, 0331-47-79-5000. Donc on va accueillir pour commencer Arnaud, bonsoir. Armand, bonsoir. Petit bonsoir, qu'est-ce que je lui réponds? Oh, tu parles un peu plus fort, s'il te plaît. C'est à moi qui parle, qu'est-ce que bon, Manu, Fildar, s'il te plaît, tu me le prends, tu lui demandes qu'il se réveille. D'accord. Sucette, bonsoir. Oh, putain, il m'a dit bonsoir, qu'est-ce que je dis là? Bonsoir. Bon, c'est quoi là, ce bordel? Ils n'entendent pas ce que tu dis. Parlez plus fort, les auditeurs, Gérard, vous entend pas. Bonsoir. Sucette, bonsoir. Oh! Oui, mais bonsoir. Un sucette, c'est un mec? Ouais. D'accord. Yoda, bonsoir. Bonsoir, Gérard, tu m'as manqué. Non, ben c'est bien, ça me fait plaisir. Foussi! Bonsoir, Foussi. Gérard. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, et Claire? Bonsoir, Gérard. Oh, parle plus fort, s'il te plaît, merci. Bonsoir, Gérard, tu m'as pas manqué. Oh là là! Pas non plus. Mais c'est... Qu'est-ce qui se passe, là? Ça va, Gérard? Je pense qu'il faudrait peut-être que vous parlez un petit peu plus fort devant, devant allô, mon micro. Allô, tu m'entends? Oui, Gérard, bah, si je peux... Allô? Armand, avant qu'on débute tous les débats, ouais. Je voudrais quand même te féliciter. Parce que c'était remarquable tout à l'heure quand tu as dit à la personne qui était de porte-poids, regarde devant toi, t'en as rien à foutre. Non, j'ai jamais dit regarde devant toi, j'en ai rien à foutre. J'ai dit regarde de l'avant, ne regarde jamais derrière. Voilà. Nuance. Et rien que pour ça, bravo. Et Gérard, t'étais super bon la semaine dernière aussi. T'étais bon la semaine dernière. Ouais, le débat, t'étais excellent. T'étais vraiment excellent. T'avais un peu trop vu. Ouais, c'est ça. Surtout que c'est pas moi qui ai fait les débats la semaine dernière. Alors c'est nous qui avions un peu trop vu. Ouais, je pense que c'est vous qui avez pas suivi, hein. Mais tu sais que c'est dur d'être déshabituel quand même, hein. Ouais, et sinon les débats de la semaine prochaine, c'est quoi? Les débats de la semaine prochaine, pour l'instant, on n'est pas sur les débats de la semaine prochaine, parce que sinon, vous allez voir Fulda. Première question, s'il te plaît, Gérard. Non, mais attends, déjà, vous avez déjà pas commencé. Bah, Fulda, je peux répondre? Non. Bonsoir. Non. Bon, vous n'allez pas commencer. D'accord, Gérard. Ok, c'est moi qui commence à commander. Donc, Armand, oui, j'espère que tu t'es réveillé. Oui. Bon, Sucette aussi? Bah oui. Bon, Sucette, tu parles comme il faut devant ton combiné, s'il te plaît, merci. Okay, Gérard, ça te va? Sucette, tu m'excites. Mais quoi? Bon, Gérard, fais pas attention. Gérard, t'as oublié comment on faisait des débats ou quoi? Parce que là, on Non, mais attends, là. Parce que déjà, Sucette, si elle comprend pas la question, moi, je vais pas la répéter, ça, comme ça, mec. Le touriste, c'est... T'as pas posé de question, alors comment veux-tu que je la comprenne? Je crois qu'il a posé la première question, mais j'ai pas compris. Bon, là, celui qui s'amuse à parler dans sa moustache, il va se calmer. Gérard, va te Donc, le tourisme est-il un signe de vacances? Comment? Oui, c'était Armand. Le touriste? Oui. Est-il un signe de vacances? Ouais, c'est Yoda, je peux répondre? Ouais. Bah, écoute, le touriste ou le tourisme? Le tourisme. Le tourisme est-il un signe de vacances? Honnêtement, ouais, je pense que ouais. C'est une bonne question, ouais. Oui, mm-hmm. Moi, je préciserais. Oui. Je dirais que c'est un signe particulier. Pourquoi? Bah, c'est pas un signe. Ah, mais non, mais vas-y, mais pourquoi, moi, je te demande? Ouais, c'est Armand. Ouais, non. Non, non, Yoda. Yoda! Ouais, je suis là, ouais. Hey, Yoda, tu commences pas, s'il te plaît, hein. Je suis là, je t'écoute. C'est Armand qui t'a répondu ça, Gérard, et je te prie d'accueillir Nadia, qui a 18 ans et qui appelle de Gif-sur-Yvette. Bonsoir. Bonsoir, Nadia. Bonsoir. Nadia. Bonsoir, Nadia. Ça va, Gérard? Elle a une petite voix. C'est bon. Le tourisme est-il un signe de vacances pour vous? Ouais, c'est Yoda, le tourisme est un signe de vacances. Ouais. Moi, je suis d'accord avec Yoda, c'est un signe de vacances. Bon, alors attends, Armand, tu as posé une question, donc moi, je te redemande. Ouais, j'ai posé une question et j'aimerais pas qu'on y réponde. J'aurais écouté Françoise pour savoir comment faire. Non, mais moi, je vous demande pourquoi. Alors, arrêtez vos bêtises. Mais attends, Gérard. Parce que c'est un signe particulier. Bon, moi, je peux te répondre, c'est clair. Ouais, clair. Non, c'est clair, elle a dit. Oh, ça suffit, s'il vous plaît, mec. Elle a dit, c'est clair. Vous commencez pas. Bon, Gérard, tu commences pas à crier, toi non plus. Hein. Non, mais moi, pour l'instant, c'est moi qui pose la question. Maintenant, vous allez répondre. Je peux en placer une. Alors que Claire. Oui, calme-toi, Gérard. Le tourisme, signe de vacances, signe particulier, c'est sûr. Bah, donne un exemple. Pourquoi ? Un exemple, tu te dis, putain, je suis en vacances, tu sais, je suis en vacances. Voilà, exactement. Non, on ne dit pas putain. Nadia. Un exemple, Nadia. Le tourisme, c'est un signe. Moi, je dirais que le tourisme, c'est un signe de vacances, rien que par le fait que quand on évoque le tourisme, on pense toujours tout de suite au soleil, à la plage, aux vacances. Ouais, carrément. Sucette, je peux répondre. Ouais. Pour moi, c'est oui et non. Alors moi, je te renvoie la... Non, attendez, s'il vous plaît. Moi, je te réponds, Sucette, pourquoi oui? Eh bien, oui, parce que bon, alors c'est vrai que bon, dans les tourismes, t'as les gens qui sont en vacances et tout, qui viennent visiter des trucs, qui vont à la plage, machin. Mais non, dans le sens où on pense à tous ces guides touristiques, à tous ces gens qui font visiter des châteaux, des musées pour les touristes, eux, ils sont pas en vacances. Ouais, exactement. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils font alors? Et maintenant, le nom. Quoi? Le nom de. Sucette, tu dis oui ou non? Bah, moi, maintenant, je te demande le nom. Donne ton nom. Le nom d'Ali. Mais le nom, justement, c'est pour ces gens qui font... Le nom du château. Non, t'as pas compris. Non, c'est bon. Non, tu comprends pas. Alors, moi, j'ai déjà... C'est la deuxième question. J'ai pas répondu, non. Gérard. C'est qui? Foufi. Ouais, bah, vas-y. Bon, bah, alors, moi, pour moi, le tourisme, c'est... C'est-à-dire, tu pars en vacances, tu fous rien, tu dépenses plein de fric. Et tu peux être prise en otage aussi, et tu peux être tué aussi. On va demander parce que si ça dérange pas, il y a quand même un invité mystère parmi nous. Oui. Éviter la Corse. Ah, On la connaît. On la connaît, Françoise. Ah non, il y a Samantha Fox avec nous, c'est ça. Bonsoir à tous. Donc, alors pourquoi le tourisme est-il un signe de vacances? Tu peux répondre en anglais, Samantha, ils comprennent l'anglais. Yeah. Oui, je pense que c'est un signe de vacances, puisque... C'est bien anglais. C'est la traduction simultanée. C'est mort. On l'a pas reconnu, déjà. Non, mais je pense que c'est un signe de vacances, puisqu'on part en vacances. Bah oui, c'est pire, hein, ma chérie. Allô? Allô? Pronto? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe, por favor? Ah, mais c'est Gérard, il fait des essais de son avec Manu, mais... Gérard! Bon, donc... On n'a pas entendu la fin de la demoiselle mystère. Gérard. Est-ce que je peux poser une question à Sandy Fox? Oh non. Tu veux la Qu'est-ce que je fais, Gérard? Il y a dehors. Ça y apprendra que ce qui... Armand, bah bonne nuit. Mais non, c'est pas Armand. Armand, il avait dit ça. Non, je dis c'est Armand, je veux poser une question. Bon, Gérard, et toi? Donc moi, je peux vous dire tout de suite, cela dépend où vous allez. Voilà ma réponse. Et pourquoi? Alors, pourquoi? Non, mais on ne va pas demander pourquoi. Cela dépend où vous allez. Parce que ça peut être très bien en Italie, en Espagne, ou autre. En Allemagne. Non, il n'y a pas de pourquoi. Ça, tu me demandes encore pourquoi, va dégager. C'est clair et net. Comment le con? Alors le con, il t'emmerde, tu dégages. Elle a dit... Ah, le comble je parlais du comble. Clairement. Parce que quand t'es en touriste, il y a des combles aussi, voilà. Ok. Déjà, quand tu vas au grenier, t'es dans les combles. Ouais, Gérard, c'est Yoda. C'est Armand. Je peux te poser une question, là? Ouais, vas-y. Ouais, toi, en tant que... ça t'arrive d'être touriste? Oui ou non? Pourquoi? Non, mais je sais pas. Quand t'es touriste, tu vas où? Paris-Plage. Alors, toi, la pétasse, là. Toi, la pétasse. Attends, pétasse qui dit Paris-Plage et qui se marre, tu dégages. Je parlais de moi, je parlais pas de toi. C'est qui? Alors, tu te calmes. C'est qui dit ça? C'est pas moi. C'est Yoda, je t'ai posé une question. Non, vous arrêtez de jouer avec les combinés de téléphone ou sinon, je vais faire comme il y a 15 jours. C'est Armand. Ok? Ok. Tenez-vous sur vos gardes. C'est Armand. Vas-y. Alors, non, on va demander à Nadia. Oui, hein. Tu m'as pas répondu, hein, Gérard. Nadia. Oui, alors moi, je dirais que le tourisme est évocateur du sexe. C'est-à-dire? Le tourisme, c'est l'été, on baise l'âge et c'est la baise. Exactement. Attends, l'été... Quand tu prends l'avion, ça te fait penser à ça. Non, moi, je dirais qu'on baise plus en vacances. Je vais me dire... On baise plus en avion qu'en vacances. Montrer, voilà. Gérard, tu vas où en vacances? C'est Armand. Allô, Gérard? Non, qui c'est qui me demandait où j'allais en vacances? C'est moi, Sucette. Non, mais... Là où que je vais en vacances, ça regarde personne pour l'instant. Bah, il y a une question Minitel. Tu veux bien nous dire où tu vas quand même. Une question Minitel. Bah écoute, je veux bien te le dire, mais ça va pas te faire plaisir. Alors on y va. Gérard, t'es tellement crade que même dans ton cul, les morpions ne sont plus des touristes. Olivier, s'il te plaît. J'ai une blague. Tu veux dire? Vas-y. Non, mais c'est pas la question des blagues. Olivier, s'il te plaît. Ils sont des deux côtés. C'est Armand. C'est quoi ce truc marrant? C'est quoi là? Qu'est-ce qu'il t'a dit là? Ah, il m'a dit que c'était bien qu'il apprenait des trucs sur le tourisme. Ah ouais. Avec ce qui était branché derrière pour mettre un double son. T'inquiète pas, j'ai vu qu'il a trafiqué derrière. C'est pas grave. Bien joué. C'est pas grave. Gérard, c'est Foufi. Oui. Tu peux te poser une question? Vas-y. Ouais, s'il te plaît, Armand, attendez. Merci. Allô? Tu vas où en vacances en général? Je te dis, je partais pas en vacances. Moi, ah d'accord. Qu'est-ce que tu fais quand tu pars pas en vacances? Je reste chez moi. Des vacances, hein. Gérard, Yoda. Vas-y. Ça peut être des vacances, rester chez toi. Quand t'es chez toi, c'est des vacances ou pas? Oui, ça me fait des vacances. Comme ouais, ça, je vous entends pas. L'invité mystère, pour toi, les vacances, c'est pas sous. C'est une salope, l'invité mystère. Alors, toi, tu dégages. Et tu dégages, allez hop. Une salope, elle t'emmerde. Allez hop, tu dégages. Tu me le vires, celui-là, je veux plus le savoir. Non, je veux pas le savoir. Gérard. Sale PD. Voilà, hop, terminé. Gérard, pourquoi? Olivier, tu sacs. Et toi, tu me prends sucette Armand. Et tu les dégages. Tu me prends sucette Armand, celui qui s'amuse à insulter les gens comme ça, c'est pas bon. On commence pas comme ça. Sinon, moi, je me casse à 2 heures. Tu veux que je prenne une sucette à quoi? Non. Et tu te casses pas. Voilà. Gérard, il y a une question Minitel. Ouais. C'est Gaberman qui te demande pourquoi tu t'énerves comme ça. Tu la connais, l'invité mystère? C'est une question de Gaberman. Hein. Ça, l'invité mystère restera sur son truc personnel. C'est quoi son truc? Gardera son nom en surprise jusqu'au bout. Ok, sacrée surprise. Gérard, je peux te poser une question? Oui. Pourquoi j'ai l'impression que l'invité mystère, c'est toujours la même? Ouais. Et alors, ouais, ça vous dérange? Ouais, mais l'invité mystère, elle a honte de se dénoncer. Je suis plus à l'antenne. Bon, toi, celui qui dit chut, je suis à l'antenne, pour l'instant, tu vas la fermer. En fait, je sais qui c'est l'invité mystère, c'est Stéphane, mais avec une double voix. Ah, voilà. C'est vrai, c'est lui? Ouais. Voilà, c'est bien, c'est Stéphane. Putain, elle a pas reconnu. Eh, Stéphane, bravo Olivier. Hein. Vous m'entendez, hein? Ouais. Bon, Gérard. Donc, la deuxième. Quel pays? Attends, Gérard, excuse-moi, il y a une autre question Minitel. Oui. On nous demande si tu la trouves mignonne, l'invité mystère, ou pas. Oui. Stéphane, tu trouves mignonne. Mais pourquoi? Explique un peu quand même. Tu la trouves mignonne. Est-ce que tu aimerais la baiser, l'invité mystère? Oui. Non, mais ça, vous poserez les questions avant qu'on attaque le deuxième débat. Avant la conclusion. Ok, hein? D'accord. Donc, quel pays ou ville avez-vous visité? Sucette, je peux répondre? Oui. Alors, moi, j'ai visité Los Angeles, New York et Sydney. Ah, c'est super, c'est un pays! Parce que bon, je fais une maîtrise d'anglais, donc il faut que j'aille dans les pays qui parlent anglais, donc États-Unis, Australie. Voilà. Ah, en Australie, tu crois qu'on parle anglais? Bah, bien sûr, sinon. Bah oui, Gérard. Hein. Ah bon? Bah oui, c'est une ancienne colonie britannique. D'accord. Armand? Ouais. Armand est parti parce que tu l'as viré, on a accueilli Mauricio à la place. Salut Mauricio! On se fout de la gueule, c'est le même. Ah non, je sais pas du tout. C'est ça, tu vas commencer par terre, parce que sinon c'est toi qui vas virer. Si, moi je voulais dire que comme il a fait le tour du monde, je pense que le tourisme c'est un signe particulier. Et je pense que la deuxième question, je ne l'ai pas bien entendue. C'est quel pays oui. Ou ville avez-vous visité? Bah, étant donné que je suis originaire d'Espagne, je pense que quand même Berlin se croit être la capitale du tourisme. Non mais ça, on s'en fout. Hein. Je demande quel pays ou ville avez-vous visité. On en a rien. Non mais c'est bon. C'est bon. Écoute-moi. Non mais attends. Demain, je t'invite avec moi en Andalousie et tu passeras des vacances chez toi de rêve. Nadia. D'accord, merci. Voilà. Nadia. Oui, bah alors moi j'ai visité plein de pays en fait. Et je tiens à dire que on a beau dire que les États-Unis c'est vraiment merdique, mais c'est pas mal. Hein. Oui, mais je crois que c'est quand même en France que l'on... Oh, tu permets? Je pense. Non, oui, mais attends. Je je me permets aussi de... Tu arrêtes de me couper la parole quand je parle. Oh, si t'es pas content, tu dégages. Oh, ça veut dire quoi, cette manière de parler? Hé, hey, Gérard. Et ça veut dire quoi? C'est moi qui mène les débats, d'accord? Ok, c'est bien qui mène les débats, il n'y a pas de problème. Tu me laisses terminer avec Nadia parce que j'ai pas tellement compris sa question. D'accord. Donc Nadia, s'il te plaît, si tu pouvais me redire ce que tu viens de me dire. Je disais que les États-Unis c'était vraiment très bien, mais ceci étant, la France aussi c'est vraiment chouette parce qu'on parle la langue et on rencontre forcément des gens qu'on peut revoir après pendant l'année et c'est assez sympa. Ouais, mais dans ces cas-là. Mais ça suffit là! Oui. Ah, tombe pourquoi? Bon, tu me le calmes lui. Oui. Tu me calmes Maurizio là, avec ses pourquoi, j'en ai ras le bol. Là, tu me le calmes. Donc moi, Nadia, je vais te dire, tu me dis, d'accord, la France. Mais il n'y a pas que la France aussi à visiter. Ouais, mais t'as d'autres pays. Ah, c'est la France. Ouais, mais dans la France, t'as pas mal de trucs à visiter. Bah ouais, carrément. À quoi, par exemple, dis-nous des endroits. Non, mais attendez. Attends, Fidar. Je vais laisser répondre tout le monde. Non, tu me vois. Non, mais Gérard, par exemple. Toi, oui. T'as visité quoi comme endroit en France? Bah, t'as... Ta préférée en France, c'était quoi? Le seul truc qui est à visiter et qui est beau à visiter, je pense que c'est... En Charente, Poitou. Bon, toi, tu dégages. La Charente, Poitou, ta merde, alors tu dégages. Bonne nuit à toi. C'est pas Gérard. Gérard, c'est Sucette. Gérard, je peux répondre. Non, mais attendez, laissez-le répondre avant. Gérard, t'allais dire un truc hyper intéressant. Oui, je crois qu'il allait dire un truc hyper intéressant. Vas-y, Gérard, t'en occupe pas. Maurizio, tu la fermes. Ouais, la ferme à toi. Vas-y, Gérard. Donc, Nadia. Oui. Donc, c'est toi qui m'as posé la question. Oui. Donc, moi, je veux bien y répondre. Bon. Lui, tu me le retires complètement. Je n'en veux. Non, mais Gérard, c'est comme s'il n'existait pas. Réponds à la question. Réponds à la question, Gérard. Nadia, le seul. Je t'entends plus, là, Gérard. Tant mieux, on le seul truc à visiter, c'est l'arc du 14 juillet, c'est l'arc de Triomphe. Ouais. On est bien d'accord. Non, super, attends. Les vacances. Gérard, en ce moment, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a la foire du trône qui vient d'ouvrir. Oui, mais ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est pas. C'est pas dans mes questions. Il y a les égouts de Paris aussi. Ouais, ça, c'est autre chose. Pour le tourisme, est-ce que tu penses que la foire du trône, c'est un. Bon, Olivier, tu dégages les manettes, s'il te plaît. Ouais, c'est Yoda, j'ai pas répondu, hein. Non, mais moi, Olivier, tu dégages. Tu dégages, s'il te plaît. Ah, qu'est-ce que tu fous là, Olivier? Bon, je peux répondre. C'est la dernière fois que je te le dis. C'est la dernière fois que je te le dis à cause de toi, sinon je me tire une heure à deux heures. Oh, quelle voix mélodieuse. Alors, Claire. Oui. Bah, réponds. Attendez, il y a une question minicale. Oui, il y a Alan Mann qui nous dit « Moi, j'ai visité la Mongolie et je t'y ai pas vu, Gérard. Vraiment, comment ça se fait ?» Ne réponds pas, Gérard, c'est un jeu de mots. Je réponds pas sur des questions bidons. Tu as bien raison. Claire. Ouais. Moi, j'ai pas beaucoup visité le pays, mais j'ai visité des villes. Je passe à Limoges. Limoges. Attends, Claire. Limoges, attends, c'est en France. Ville, hein. Pardon? Donc, je suis allée à Limoges, je suis allée à Bordeaux il y a pas longtemps. C'est pas beau. Et puis un jour, je suis passée à côté de Rennes et j'ai pas aimé du tout. Ouais. Ok. Moi, Gérard, je peux dire un truc, c'est Sucette. Bon, Foufi, je peux répondre. Hein. Oui. Alors, moi, j'ai été au Zimbabwe. J'ai été en Italie. On m'a dit qu'on parlait pas des îles. Oh, ça suffit celui qui parle derrière, merci. J'ai été à Tamaracet. C'est où? J'ai été à... C'est où Tamaracet, s'il te plaît? À Omdurman. Et à Asmara. J'ai été à Asmara aussi. Ouais, mais arrête de lire le dictionnaire. J'ai été à Abuja, Nigeria. Non, c'est bon, Poussy. Poussy, tu dégages. Non, mais Gérard, c'est où je vais. Tu dis à Poussy qu'elle lit pas le dico pour. Mais si pas le dico, attends, t'es là pour. Non, apparemment, elle prend toute la ville du dico. Mais c'est bon. Quoi, allez, bonne nuit. Yoda. Il n'y a pas de bonne nuit. Gérard. Excuse-moi, il y a une autre question Minitel. On nous demande si toi, c'est vrai que ça fait 3 ans que tu joues les touristes à Fun. Ça regarde personne. Ok. Gérard, Gérard, c'est Yoda. Yoda. Toujours pas répondu. Non, Gérard, c'est Sucette, je peux dire. Yoda. Ouais, bon, bah moi, donc pour répondre à ta question, ce qui est un peu d'exotisme tout de même dans ce débat, je dirais les pays d'Extrême-Orient. Tu sais, tout ce qui est Japon, Thaïlande, parce que c'est là que naquit la sagesse, tu vois, qui a traversé le temps. Et quelque part, on est tous les héritiers de cette sagesse chinoise, écossaise, enfin tout ce qui vient de l'Extrême-Orient, quoi. D'accord avec... Sucette. D'accord. Oui, moi je voulais dire qu'il y a deux endroits à visiter en France, c'est l'île de Puteaux et le Futuroscope. Bon alors, Sucette. Sucette. Oh, non, mais là, Sucette. Sucette. La Côte d'Azur est pas mal. Non, il a raison, Futuroscope, c'est vachement bien. Non, non, mais Sucette. Ouais, mais c'est beaucoup trop cher pour les enfants. Futuroscope. T'emmènes pas tes enfants. Ouais, mais. Sucette. Gérard, c'est Sucette. Ouais, bah, tu retournes voir Futuroscope. Le Futuroscope, j'habite en face, c'est bien. Et l'île de Puteaux, c'est bien pour aller jouer au ping-pong là-bas. J'ai trouvé une question pour la liste mystère. Fildar, s'il te plaît. Est-ce que. Fildar, tu me vires Sucette. Est-ce qu'elle roule? Tu me vires Sucette, il a. J'ai compris très bien ses réponses. Moi, par contre, je vais vous donner des villes, je ne sais pas s'il y en a qui y ont été. Non. Oui. Donc, l'Italie, l'Espagne. Ça, c'est des villes. Attendez, celui qui commence à se marrer, vous voulez des réponses aux questions ou pas? Sinon, moi, je passe à la troisième et je ne vous donne pas mes réponses. Ouais, Gérard. Vas-y, Gérard. Pas, crie pas, c'est troisième. Vas-y, Gérard. Non, il n'y aura pas de troisième. Non, il y a pas. Donc, les villes à visiter. Oui. L'Italie, l'Espagne. Oui. Mais c'est pas une ville. Si, c'est magnifique comme ville, l'Italie. Si, c'est magnifique. Tu es à côté de Besançon. Je suis désolé. Continue, Gérard. Oui. Continue, les écoute pas. Je sens que vous allez vous calmer parce que c'est des villes à visiter. Je suis désolé. On est calme. Bon, alors. Excuse-nous, vas-y, on t'écoute. Continue, Gérard. Donc, l'Italie, l'Espagne, c'est des villes à visiter. Oui. Le Brésil. Oui. Et le Portugal. Ah ouais? Ouais, mais ça n'a rien à voir tous ensemble. Hein. Ouais. Non, mais attends. Non, mais attends. Quoi, des pays d'Afrique? C'est pas en Afrique? Non, mais tu peux pas mettre l'Italie avec le Brésil. Attendez. Quel pays ou ville avez-vous déjà visité? C'est pas en Afrique. Moi, je suis désolé. Je donne ma réponse. Mais on s'en fout de si c'est en Afrique ou pas. T'es au Brésil, Gérard? Non. Alors pourquoi tu me mets sur la liste des villes que t'as visitées? Mais j'ai le droit, je vous donne des villes, j'ai le droit, non, même que j'y ai pas été. Ah d'accord. Moi je suis allé sur la lune. Tout vers le dico. Mais t'as pas été dans la main de ma soeur, dans la culotte d'un joueur, dans le cul de l'invité mystère. Ouais ben, dans le cul de l'invité mystère, tu dégages. Bonne nuit à toi. Tu me dégages Yoda. Hop. Mais non, c'est pas Yoda. Non, je veux pas le savoir. Allez hop. Mais Yoda, t'es vraiment trop con. Oh, allez, c'est bon. Attendez, il y a la... Une autre question de Minitel, toujours à l'Anne-Man, qui te demande si t'as déjà fait du tourisme à Sainte-Anne. Qu'est-ce que ça peut y foutre? Bah, je sais pas. Je sais même pas où c'est comme pays, Sainte-Anne. Alors. Sainte-Anne, c'est dans le 13e. Ah, ok, c'est pas loin. Ah, oui. Donc, on va demander à l'invité mystère. On écoute. Oh, oui. Ben, allô, oui, je te réponds. Oh, c'est bon, toi, tu la fermes, merci. Stéphane, réponds. Quel pays ou ville avez-vous visité? La Suisse. Alors, moi, j'ai visité l'Angleterre, la Suisse, l'Italie, et puis là, je vais bientôt visiter la Thaïlande. Ah, c'est bien. Voilà. Est-ce que vous allez aller en Thaïlande avec Gérard? Oui, exactement. Ah, d'accord. Ah, c'est grillé toute seule. C'est même moi qui vais lui payer le voyage. Comme ça, vous savez qu'il est tellement mystère, ton invité. Gérard, Non, mais c'est pas grave. Gérard, pourquoi tu vas partir en voyage avec Stéphane en Thaïlande? Qu'est-ce que ça peut te foutre à toi? C'est toi qui le payes? De quoi? Non, merci. Où elle trouve cet argent? Cachez-vous. Ça ne me regarde pas, de toute façon. Et ça paye la radio. Cachez-vous comme souvenir. Cachez-vous? Cachez-vous comme souvenir pendant vos vacances. C'est Mauricio, je peux répondre. Bon, je pense que vous allez réfléchir, on va... Ils vont mettre un disque. Ouais, ils vont réfléchir et puis... Ils vont se calmer surtout, tu me les calmes. Je peux parler à l'invité mystère en antenne. Non, après le disque. En antenne. Après le disque. Donc, Gérard, le disque, c'est quoi? Fila. Bah, je sais pas, moi, Manu, tu devrais avoir le titre, là. Bah, tu désannonceras après le disque. Donc, vous pouvez nous appeler toujours au 0803 08 5000 et 0870 5000 et toujours 3615 Code Fun Radio, rubrique direct. C'était Rick and Zay. Vas-y Manu, s'il te plaît. Run DMC, it's like that. Ok. Voilà. Donc, c'est toujours la suite des débats. Donc, avec. Parle devant ton micro aussi. Donc, c'est toujours la suite des débats sur les touristes. Hein. Donc. Merci pour celui qui commence déjà à... Ah, t'es que ça, c'est nul, hein. France Télécom, bonjour. Ouais, France Télécom, tu as dégagé. Merci beaucoup. Donc, on va accueillir Spartacus. Bonsoir, ça va? Tony. Bonsoir tout le monde, bonsoir ma couille. Ouais, t'as de la chance. T'as de la chance parce que j'avais dit non. T'avais dit non, pourquoi? Pour les habituels, mais c'est pas grave. Et moi, je peux rester? Qui? Spartacus, c'est la première fois, j'écoute. Non, mais attends, pour l'instant, le débat, il n'est pas terminé, d'accord? Yoda. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc il y aura un petit décalage. Oh, s'il vous plaît, vous répondez. Quand je vous dis bonsoir, vous répondez, s'il vous plaît. Ok, alors comment, bonsoir. Fuji. Foufi. Bonsoir. Claire. S'il vous plaît. Claire, bonsoir. Bonsoir. Nadia. Bonsoir. C'est qui va s'amuser à passer pour moi? Mais non, c'est pas toi, il s'appelle Gérard, j'y peux rien. Ouais. Bonsoir, bonsoir Gérard, bonsoir Sandy. Attends, tu t'amuses à quoi, toi? Bon, Gérard, accueille-le comme tout le monde, écoute. Attends, il n'y a pas qu'un Gérard en France. Il y en a 100 000. Il y a aussi Boris, tu peux le rajouter parce que c'est un Belge. Alors, Boris, bonsoir. Bonsoir Gérard, bonsoir à tous, bonsoir Spartakis. Bonsoir, bonsoir. Et moi, je pue la merde. Et non plus, ouais. Bah ouais. Ouais, non plus, hein. Ouais, c'est vrai. Donc vas-y, Gérard, continue le débat. Parce que... Bon, alors. Je m'appelle Gérard, on me dit bon, alors. On me demande de continuer le débat. Bon, pour l'instant, c'est pas toi qui commande, c'est moi, d'accord? Ah, vas-y, Gérard, vas-y. Merci. Il y a toujours l'invité mystère qui est parmi nous. Okay. Je peux poser une question à la pouffe mystère, moi? La pouffe mystère, attends, merde, d'accord? C'est grosse. Alors déjà, hop. Michael, c'est bon. Alors, cachez-vous comme souvenir pendant vos vacances. Ouais, c'est Yoda. Ouais. Ouais, je cache tous mes souvenirs en vacances. Ouais. Non, cachez-vous. Moi, je me cache derrière les arbres en vacances. Bon, je crois que là, pour l'instant, vous êtes en train de m'énerver. Attends, je pense Yoda, que deux heures, je vais me casser. En vacances, tu peux te cacher derrière, je t'assure, Gérard. Cachez-vous. Explique, Gérard, ta question. Qu'est-ce que vous achetez? Gérard, c'est Boris. J'ai pas compris. Ah, tu comprends rien, t'as qu'à te déboucher les oreilles, pauvre tâche. Ouais. Oh là là, toi, je sens que tu as dégagé. On t'écoute, Boris. Ah. Je peux, Gérard? Bien sûr. Oui. Ok. Bah, moi, en fait, je cachette plein de trucs, quoi. Je cachette des timbres postés sur les lettres parce que je fais des travaux d'été à la mer dans une poste. Ouais. Donc, j'arrête pas de cacheter, quoi. Cachetez-vous comme souvenir. Bah ouais, qu'est-ce qu'il vient de dire, Gérard? Qu'est-ce que tu achètes, broutille? Est-ce que tu cachètes? Allez hop, celui-là, tu me le sors. Allez hop. Bonne nuit. Tu comprendras au standard. Gérard, mais non, mais il est belge. Explique-leur. Mais qu'est-ce qu'ils achètent en Belgique? Donne un exemple. Ah, que j'achète en Belgique. Ah, d'accord. Attends, c'est Spartacus, je peux répondre? Vas-y, Spartacus. Ouais, bah écoute, moi c'est vraiment casquette hein, pendant les vacances. Bon, alors Spartacus. Non, donne un exemple, Gérard. Toi, si t'es en vacances, qu'est-ce que t'achètes? Donne un exemple. Mais t'achètes des gadgets, je sais pas, pour décorer ta maison, t'achètes des assiettes. Laissez-le répondre. Oh merde! Non, c'est des petites boules avec de la neige à l'intérieur que tu retournes. Ben voilà! Au moins, ça c'est un objet que vous achetez pendant les vacances. C'est pas de la merde. Bon, alors, c'est Foufi, je réponds. Ouais. Alors, moi, en vacances, j'achète des serviettes pour aller à la plage. J'achète des coquillages. C'est des babybelles. Des cartes postales, des culottes. Tu achètes tes cartes postales? Ouais, je les cachette aussi. C'est mon boulot. Ouais. Et puis, j'achète aussi des petits objets fétiches. C'est Spartacus, on peut citer des marques? Non. Ok. Non, tu réponds à la question, sinon tu dégages. Ok, mais je peux pas. Ça y est, j'ai répondu à la question. Non, mais c'est pas toi. C'est ta status. Je peux pas citer une marque parce que je me suis acheté des Nike. Des bleus, des Nike. Bon, Spartacus, tu dégages. Allez hop. Lui, tu peux me laisser sauter. T'as bien fait, Spartacus. Non, mais Fildar, s'il te plaît. Fildar, oui. Tu lires Spartacus. Tu prends quelqu'un d'autre parce que là, il. Ça va pas. Allez hop. Tu le vires. Plus de rythme, hein. Tu dors là. Bon, donc, Tony, qu'est-ce que t'achètes pendant comme souvenir? Bah, pas grand-chose, parce que je suis pas souvent à l'étranger. Donc, pas grand-chose. Non, mais si tu. Admettons qu'on t'invite en. Tu la fermes, la pétasse. Je la ferme, la pétasse. C'est rare. Moi, Gérard, personne m'invite. Je suis un peu un chieur, si tu veux. Et chieur? Ouais, personne m'invite. Ouais. Va à Rennes, c'est très beau. Répéter la question. Vas-y, Gérard, enchaîne. Donc, Claire. Oui. Moi, je n'achète pas de souvenirs, parce que mes souvenirs sont...